Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilius, le directeur du Centre des droits de l'homme du Conseil de l'Église chrétienne a livré le 2 août devant le siège du gouvernement à Séoul une manifestation pour les droits des citoyennes du Nord enlevés. Il a exigé de rendre publique leur situation et d'autoriser leur rencontre avec les familles. Par ailleurs, une trentaine de formations, y compris le centre précité et le comité de la réunification du Rassemblement des avocats pour une société démocratique, ont constitué le 26 juillet le comité de mesure pour les droits des citoyennes du Nord.